C'est un honneur de présider cette séance pendant laquelle, en tant que géographe, je vais apprendre tellement, en particulier aux côtés de Madame Asma Lamrabet, qui est médecin biologiste de formation, qui a dirigé le Centre des études féminines en islam au sein de l'Association des Oulémas du Maroc et qui est responsable de la chaire genre et religion à la Fondation Euro-Arabe de l'Université de Grenade. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels, en 2007, « Le Coran et les femmes, une lecture de libération », en 2011, « L'islam, Occident, chemin vers l'universel », puis, en 2012, « Femmes et hommes dans le Coran, quelle égalité ?», tout récemment, deux ouvrages, « Croyantes et féministes, un autre regard sur les religions » et « Islam et femmes, les questions qui fâchent » chez Gallimard. Donc c'est un honneur, madame, et nous allons avoir 45 minutes. Ce serait bien de ne pas dépasser parce que nous avons une matinée très chargée. Donc, j'espère. Merci. Écoutez, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là, ravie de partager avec vous ce colloque très important. Merci à Reda Benkirane et à Bess Makram pour cette invitation. Alors, oui, alors mon sujet c'était, j'avais suggéré l'égalité homme-femme au Maroc entre référentiel religieux et impératif réformiste. En fait, oui, c'est vrai que c'est l'exemple du Maroc dont je vais parler un petit peu, mais parce que c'est une parole qui est située, qui est la mienne, donc il faut toujours situer sa parole quelque part. Mais je pense que, et vous allez le voir, que c'est quelque chose qui peut être, qu'on peut revoir partout ailleurs, surtout au niveau du monde arabo-musulman. Donc, bien sûr, je commencerai par rappeler, même s'il est inutile de le rappeler, mais il faut quand même des fois le rappeler, devant la focalisation qu'on a sur l'islam qui opprime les femmes, cette inégalité structurelle à l'islam, rappeler que cette égalité homme-femme à l'échelle mondiale est quelque chose, c'est un idéal qui est encore inachevé, que l'inégalité, évidemment à degré variable, c'est encore la norme, et qui transcende culture, idéologie, religion et structure sociétale. Mais, il y a un mais. Cependant, il est important de reconnaître que la mise en œuvre de cette égalité est assez difficile, je veux dire même complexe, au sein des sociétés où le religieux constitue un véritable socle identitaire, à l'instar des pays où l'islam reste un référentiel majeur et incontournable. Pardon. Effectivement, au sein des pays majoritairement musulmans, la question religieuse, fortement ancrée à un patriarcat culturel ancestral, reste, je dirais, nettement transversale à toutes les catégories à toutes les autres catégories sociales, puisqu'elle entretient, voire cautionne, l'autoritarisme et la supériorité des hommes, et donc la soumission des femmes à des normes supposées être de l'ordre du sacré. Effectivement, cette question de l'égalité homme-femme est généralement catégorisée, surtout dans les pays arabo-musulmans, et je parlerai du Maroc essentiellement aussi, dans cette rubrique, vous l'avez remarqué, droit et statut de la femme, déjà, de la femme. Hein, c'est pas des femmes, c'est de la femme. Et elle n'est jamais, jamais prioritaire, parce qu'il y a toujours un événement politique qui fait qu'elle devient, qu'elle est reportée au calendrier grec. Alors que bien entendu, je pense qu'ici on est d'accord pour dire que cette problématique est éminemment politique et elle est éminemment prioritaire. Et bien pourquoi ? Parce qu'elle symbolise aujourd'hui l'une des plus grandes impasses sociopolitiques et théologiques, et celle des plus sensibles aussi, et les plus difficiles à déconstruire. Et ce du fait que, comme dans toutes les autres idéologies, je veux dire, et les systèmes religieux ensemble, les discriminations envers les femmes qui constituent des inégalités au vrai sens du terme, eh bien, ces discriminations symbolisent la première matrice de domination universelle sur laquelle vont se greffer toutes les autres formes d'inégalité sociale. Toutes les autres formes d'inégalité sociale. Autrement dit, le patriarcat reste le socle de toutes les inégalités politiques, économiques, socioculturelles et donc entrave l'évolution de la société hommes et femmes. Alors, si l'on devait justement situer la situation de l'égalité des femmes au Maroc, par exemple, elle serait aujourd'hui... Pardon. Si on devait donc situer cette question-là, et ailleurs aussi, je dirais qu'elle aurait trois dimensions. Cette question-là est centrale, elle est à l'intersection de plusieurs autres discriminations, et elle est toujours à désavantage. Elle est centrale au sein des débats contemporains, on l'a vu au Maroc, en Tunisie, partout ailleurs, du fait qu'elle cristallise en fait toutes les tensions. Alors, dès qu'on parle des femmes, on parle de liberté individuelle, on parle de liberté de conviction, on parle de droits humains, d'égalité, etc. Mais en même temps, elle reflète le fait qu'il y a de véritables métamorphoses socioculturelles qui sont en cours, voire il y a des ruptures très intéressantes qui se font dans ces sociétés donc contemporaines. C'est une question qui est à l'intersection de plusieurs discriminations politiques, économiques, juridiques, mais où le religieux constitue la trame de fond. Hein, une trame de fond qui représente justement cette vulnérabilité multidimensionnelle. Et puis, enfin, les prises en otage. Ça, je le dis de façon très caricaturale, parce que ça doit être plus nuancé que ça, mais on n'a pas le temps. Elle est prise en otage entre une vision, allez, on va mettre tout dans un même bloc, traditionnaliste, réfractaire à toute réforme de la pensée et du discours religieux, et une vision dite, je dis bien dite moderniste, qui néglige, refuse, voire parfois rejette violemment toute référence au religieux. Et cette polarisation idéologico-politique qui aujourd'hui pose problème, en fait. Parce qu'entre une islamophobie mondialisée, banalisée, et le patriarcat endurci des sociétés majoritairement musulmanes, croyez-moi, c'est la voix de la majorité des femmes musulmanes qui est aujourd'hui occultée. Je m'exprimais donc, je le redis encore, à partir de mon contexte marocain, quoique sur beaucoup de questions, il y a évidemment des lieux communs concernant la référence aux textes et sources religieuses et leur mise en pratique, donc, sur le terrain de la réalité sociale. Alors, le contexte marocain, c'est un contexte local, mais en même temps local. Le Maroc a connu, ces 14 dernières années, deux grandes réformes qui ont globalement eu un effet assez bénéfique, je dis assez bénéfique, on reviendra là, sur le statut juridique des femmes. Et il me semble qu'en dehors de la Tunisie et du Maroc, ce sont les deux pays à l'échelle du monde arabe, je ne parle pas du monde musulman, où de réelles avancées juridiques ont été initiées grâce à deux choses. Des volontés, des hautes volontés politiques, venant des ministères de l'État, mais aussi grâce à la longue et dure lutte des féministes laïques de ces deux pays. Et je crois que ça, il faut le dire aujourd'hui. C'est très important de le dire. Féministe, je dirais nationaliste au début, et laïque par la suite. On a vu que la réforme du Code de la Famille en 2004 a eu lieu grâce au printemps de l'égalité. Mais c'est un ensemble de femmes, de féministes, de toutes les parties de gauche qui se sont alliées pour demander justement la réforme de ce Code. Donc on a eu ce Code en 2004. La nouvelle Constitution en 2011 a été aussi emblématique quant à ce modèle d'émancipation des femmes dans leur. Et tous les deux ont apporté une philosophie qui a permis, quoique aujourd'hui très critiquée par les mêmes associations féministes, parce que 14 ans après, on voit les limites, et donc on veut absolument réformer ce code, mais simplement pour dire que ces avancées ont permis de nous faire sortir de cette configuration très traditionnaliste et très discriminatoire des femmes, de la famille, etc. Il est quand même important aujourd'hui de reconnaître, en 2019, que l'état actuel des choses aussi entre avancées, certes, mais timides. Et de l'autre côté, il y a des décalages, et puis des contradictions, de véritables contradictions. En effet, les deux réformes, malgré leur impact positif sur la symbolique des droits des femmes, restent des exemples avérés de cette discordance entre des lois qui sont certes avant-gardistes en comparaison avec d'autres pays musulmans, mais et leur faible effectivité au sein de la réalité sociale. Bien que le Code de la Famille a instauré des avancées certes très intéressantes, telles que la co-responsabilité des époux, hein, parce qu'avant c'était le mari qui était le chef de la famille, et qu'on retrouve dans d'autres statuts donc de pratiquement la majorité des pays arabes ou musulmans. On a élevé l'âge du mariage à 18 ans pour les deux, mais on a des problèmes énormes. Aujourd'hui, on a 40 000 mariages mineurs chaque année au Maroc. pour montrer que vraiment les limites donc du code. L'optionnalité de la tutelle matrimoniale pour les femmes qui n'est pas rien, hein, d'enlever le Mali pour un pays qui suit le rythme à l'équite, et où le Mali est quelque chose de, un critère complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage sans Mali. Donc, optionnalité, c'est une avancée. La restriction de la polygamie, malheureusement, on l'a restreinte et on a laissé au juge donc la latitude, même si le taux de polygamie sont très minimes, il reste que la symbolique est là. Dans les années quand même 40-50, on a eu Alain Fassi au Maroc qui a demandé à ce que l'abolition, l'abrogation pure et simple donc de la polygamie, je ne parle pas de Tahar Haddad et de Mohamed Abdo avant, et aujourd'hui c'est quelque chose qui bloque encore, c'est vraiment délirant. Et la mise en place, et ça c'est le code de la famille, je pense qu'au Maroc la chose la plus intéressante à mon avis, à mon humble avis, c'est celle du divorce égalitaire. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressante, puisque aujourd'hui, à part la Tunisie et dans d'autres pays arabo-musulmans, vous avez la répudiation, vous avez le droit au divorce exclusif à l'homme. Et la femme, à part le problème, c'est-à-dire ça, elle achète, elle monnaie son divorce, elle n'a pas ce droit-là. Donc, ce sont des avancées qui sont quand même assez intéressantes. Mais, malgré tout ceci, il y a eu parfois c'est l'ignorance, parfois une hostilité, parfois le rejet d'une certaine partie de la société. Quant au contenu de ces codes, enfin, et surtout du code de la famille, pourquoi ? Parce que pour eux, il est censé être contre les valeurs de l'islam. Parce qu'il est considéré comme étant complètement occidentalisé. Et donc c'est pour ça qu'on voit les impasses, et c'est très flagrant, d'une réforme qui est restée cantonnée au juridique. Il est important aussi de noter que l'article 19 de la nouvelle constitution de 2011 stipule très très clairement l'égalité des citoyens. Pour la première fois de l'histoire du Maroc, marocaines et marocains sont égaux. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, surtout pour l'égalité. Donc il y a un mais, et ce mais, c'est que cette égalité est conditionnée. Par quoi ? Excusez-moi. Cette égalité est conditionnée, écoutez-moi bien, par le respect des constantes fédératrices du pays. Alors, il y a un autre aléa qui décrit ce que c'est que le respect, les constantes fédératrices du pays. Elles sont quoi ? C'est le respect de la monarchie, l'intégrité territoriale du Maroc, la philosophie ou la démocratie, les droits démocratiques, et la religion musulmane modérée. Voilà, tout est dit. Et donc c'est là où on sent, et c'est quand même très visible, que la seule constante fédératrice qui va poser problème, justement, et qui conditionne l'égalité, c'est bien la religion musulmane modérée. Et donc la question qui reste à poser, de prime abord, c'est de quel islam modéré parle-t-on ? Parce que tout un chacun peut vous dire, moi, c'est mon interprétation modérée de l'islam. Donc, cette égalité sous condition exprime de façon claire la superposition de deux référentiels, l'un religieux, et il est uniquement focalisé sur le droit de la famille marocain, mais quelques bribes dans le code pénal, et le référentiel dit universel qui est inscrit dans les conventions internationales ratifiées par le Maroc et qui fondent le droit des Marocains et des Marocaines dans l'espace public. Donc, on est devant une dualité juridique constitutionnelle qui nous incite à comprendre qu'il y a des inégalités de l'ordre du religieux qu'il ne faut pas toucher, parce qu'elles sont sacrées. Ce qui finalement conforte, alimente, cautionne les nombreuses contradictions préexistantes entre les lois et la réalité socioculturelle, et je dirais plus, la schizophrénie sociale qu'on a, dans laquelle on vit. En effet, comment pourrait-on prôner une prétendue égalité juridique au niveau des lois et cautionner l'inégalité sur le plan dit religieux quand on sait pertinemment que ce dernier constitue, dans un pays comme le Maroc, le socle identitaire et référentiel incontournable de cette société. Comment concrétiser l'égalité dans l'espace familial, privé, public, dans les lois qui le régissent et dans l'espace public, donc lorsque dans les mentalités et l'imaginaire socioculturel, l'inégalité homme-femme demeure une donnée structurelle. Parce que justement, nourrie par un discours religieux traditionnaliste, l'égalité est perçue comme une donnée extrinsèque, complètement incompatible avec le référentiel religieux. Il est certain que les lois sont importantes, mais la réforme de la compréhension et de l'approche du religieux est absolument nécessaire et inévitable si l'on veut changer les mentalités. Et entre justement cette vision traditionnaliste conservatrice qui fait de la résistance identitaire à toute évolution, parce que le slogan de cette vision, c'est l'islam a donné tous les droits aux hommes, l'islam karamalwala, hein, donc statu quo, on ne touche à rien. Et la vision dite moderniste qui, elle aussi, refuse toute référence religieuse parce qu'il est considéré, à tort ou à raison, comme étant incompatible avec les valeurs universelles de l'émancipation. Je pense qu'entre les deux, il faudrait bien essayer de se frayer une troisième voie quand même, à savoir celle qui peut concilier, je parle bien des principes éthiques donc de l'islam avec les principes des droits universels et qui ne voit pas, je ne dirais pas totalement d'incompatibilité, mais qui peut allier justement et trouver des compatibilités entre émancipation des femmes, égalité homme-femme et un référentiel religieux sous sa composante éthique et spirituelle. Alors, d'aucuns, et c'est une question qu'on me pose toujours, pourquoi vous êtes en train de franchement vous casser la tête avec cette nécessité d'une vision réformiste du religieux quand on sait très bien que finalement, est-ce que ça va donner quelque chose ou pas? Eh bien oui, il faut le tenter. Il faut le tenter devant le mastodonte qu'on a de cette lecture traditionnaliste et extrémiste même qui est aujourd'hui en train de miner de ronger nos sociétés. Et bien pourquoi cette nécessité? Tout simplement, premièrement, parce qu'étant donné que le référentiel religieux reste aujourd'hui plus qu'hier dans la plupart des pays musulmans une donnée incontournable, réformer l'approche du religieux, c'est un peu réformer la société en profondeur et constitue de ce fait une partie de l'enjeu démocratique qui est en cours. Une partie. Je ne dis pas qu'en réformant le religieux, on va avoir une société démocratique, bien au contraire. C'est pas du tout ce que je dis, mais ça fait partie donc d'un tout. Et puis deuxièmement, parce qu'il est légitime de proposer des alternatives à partir de sa propre histoire, de sa mémoire, de sa propre tradition, avec toutes ses contradictions et aussi ses richesses incontestables. Il s'agit tout à la fois de décoloniser les esprits de cette sommation à une émancipation universelle, comme l'a dit hier Elie Belchi, assez abstraite, mais aussi nous décoloniser d'une certaine approche tout autant aliénante du religieux. Mais encore faudrait-il savoir de quel référentiel religieux sommes-nous en train de parler. Ce référentiel auquel s'identifie la majorité des musulmans et musulmanes est-il vraiment porteur d'un message inégalitaire et donc discriminatoire, comme on le voit? Je crois que nous sommes tout simplement, et je serai là, c'est ma différence avec Dr Lajani, j'aurais voulu qu'il soit là, on est tout simplement incapable aujourd'hui de donner une réponse catégorique. Parce que l'approche majoritaire qui en a été faite depuis longtemps, eh bien, c'est une approche qui reste littéraliste, légaliste, patriarcale et surtout politisée. Donc, peut-on parler d'égalité au sein d'une religion comme l'islam aujourd'hui? Je répondrai tout de suite par une constatation. Demander au Coran de répondre à des questions contemporaines de l'ordre de l'égalité du genre, c'est faire dans l'anachronisme. Donc, il s'agit plutôt, de retrouver des latitudes et des repères, mais aussi ô combien de principes éthiques permis, voire prescrits par le texte, et qui ont été omis par cette lecture traditionnaliste, et qui aujourd'hui font sens avec une lecture respectueuse de l'égalité, de la non-discrimination, de la justice, de la dignité des femmes et des hommes. Alors comment? Il faudrait commencer par le commencement, c'est-à-dire déconstruire justement cette lecture traditionnaliste à l'origine de la majorité des préjugés théologico-juridiques encore fortement enracinés dans notre imaginaire socioculturel. Et justement, pour réformer notre approche du religieux, il faudrait commencer par faire la distinction entre... Moi, je ne fais pas la distinction entre le Coran et l'islam, je fais la distinction entre le message spirituel de l'islam et l'islam institutionnalisé, avec toutes ces contingences socioculturelles, ces logiques, ces juristes, théologiens, écoles juridiques, etc., qui aujourd'hui, croyez-moi, ont une telle autorité sur les gens que vous ne pouvez pas imaginer. On dit qu'il n'y a pas de clergé en islam. Je suis désolée, il y a un clergé en islam. Il existe. Et il a une force incroyable que vous ne pouvez pas imaginer. Deuxièmement, clarifier les concepts. Beaucoup de gens qui... Voilà, on parle de chaléra, de courant, de révélation, de hadith, de tradition du prophète, de fiqh, de jurisprudence, de tafsir, etc. Je ne rentrerai pas dans ces détails parce que je sais que la plupart font... Mais croyez-moi, surtout j'ai affaire à beaucoup d'étudiants à travers le monde, dans les communautés musulmanes, mais aussi au Maroc, et il y a une confusion extrême. C'est les fuqaha qui le disent, donc c'est sacré. Non, non, la jurisprudence islamique, c'est juste une interprétation humaine. Ça n'a absolument, c'est une part de l'ahkam min al-Qur'an. Ça n'a rien à voir avec le corpus coranique. Et puis, ce qu'on sent souvent, c'est ce ijma, le consensus des ulémas. Comment voulez-vous parler de ça alors que toute la umma et tous les ulémas ont dit que c'était un nombre ou bien que c'était comme ça. Et on nous brandit cette ijma à chaque impasse exégétique parce qu'ils n'ont pas de réponse. La seule réponse qu'ils ont, c'est l'ijma. Et ils n'ont pas de réponse au défi de la réalité sociale. Et donc, c'est devenu une véritable épée de Damoclès. Et moi, je l'appelle l'arme de dissuasion massive, hein, devant toute tentative de raison critique, de réflexion ou d'ijtihad. Alors, il faut opérer une nouvelle. Je propose humblement une nouvelle approche globale, une lecture à trois dimensions qui nous permet d'avoir une ouverture sur quatre dimensions au niveau du corps. Et cette lecture, très brièvement, parce que je ne voudrais pas être lourde, c'est la lecture holistique, la lecture des finalités et la lecture contextualisée historique qui est très importante. Il faut historiciser, il ne faut pas avoir peur d'historiciser. Ça ne touche pas la foi. Beaucoup de gens ont très peur de l'historicisation du Coran. La lecture historique, c'est expliquer, comme l'a dit aussi hier Dr Moreno, c'est le Coran du Coran, c'est intéressant. Ça permet de restituer cette thématique justement des femmes, d'égalité dans la globalité du message, respecter la cohésion du texte. Parce que c'est ce qui passe aujourd'hui. Aussi bien les pour ou les contre, on sort un verset de son contexte, et comme tous les textes, vous sortez une phrase de son contexte, vous pouvez avoir tout à fait le contraire de ce que dit ce texte-là. La lecture des finalités, ben moi je trouve qu'elle est très intéressante. C'est quelque chose qui a été, une science qui a été développée ou instaurée par Chantilly dans le XIIIe siècle, et qui est intéressante pourquoi ? Parce qu'elle va nous solutionner beaucoup de problèmes aujourd'hui, surtout dans cette dimension sociale où on a vraiment des inégalités et à laquelle on ne peut pas apporter de réponse par des gymnastiques exégétiques. Pourquoi ? Parce que les finalités, finalement, c'est quoi ? Toutes les sagesses universelles et toutes les sagesses religieuses, en fait, toutes les religions ont une sagesse quelque part, cette spiritualité, et bien, les finalités du Coran, la lecture finaliste, qu'est-ce qu'elle nous montre ? En gros, et ce que dit Chafébi, c'est que, c'est quoi ? Pourquoi cette spiritualité, ce besoin, cette quête-là ? C'est pour l'instauration de trois choses. Le bien-être social, al-maslaha al-amma. Deuxièmement, la levée de toute contrainte, c'est-à-dire raf al-haraj. Et le problème aujourd'hui, c'est que le religieux est vécu sous la culpabilité. Il n'est pas vécu sous l'épanouissement. Et la troisième, c'est la mise en œuvre de la justice, iqamat al-adl. Donc là où il y a l'injustice, nous ne sommes plus dans les finalités, nous ne sommes plus dans cet islam spirituel ou dans cette sagesse donc universelle. Et puis la lecture contextualisée qui est très importante. Donc il faut. Jacques Berg parlait de marqueurs temporaux. Je trouve qu'il a absolument raison d'utiliser ces marqueurs temporaux historiques pour pouvoir expliquer, justement, éclairer le texte. Et c'est un outil primordial avec l'ijtihad pour pouvoir dépasser toutes ces impasses-là. Alors, justement, avec ce type de lecture, qu'est-ce qu'on a ? On découvre qu'il y a quatre dimensions au sujet de autour de cette problématique-là, quatre dimensions essentielles. La dimension de l'humain, la dimension de l'éthique, la dimension conceptuelle et une dimension sociale qui est la dernière. La dimension humaine, très rapidement, alors elle m'interpelle parce que le Coran parle de l'insan. Et Elie Bégit, hier, le disait, c'est cette identité féminine fermée. Il faut la dépasser avec ce concept de l'insan qui est retrouvé. Et donc, il y a beaucoup de versets où on interpelle l'insan. Et je voudrais être interpellée aussi en tant qu'insan avant d'être interpellée en tant que femme, même si je revendique ma féminité. Donc, il y a cette dimension humaine de l'être humain, tel l'insan. Je l'appelle la théologie de tel l'insan. Et puis, il y a cette dimension éthique qui est primordiale aussi. La dimension éthique dans le message spirituel, c'est cette dimension qui a été complètement marginalisée partout, par l'islam institutionnalisé, par le fiqh, par l'exégèse, par nos écoles juridiques, par tout le monde. Et c'est celle qui parle de la libération, c'est-à-dire le tawhid. Je me rappelle, c'était un protestant qui me disait à ce moment, le tawhid, c'est un rapport transcendantal à Dieu qui fonde l'égalité entre tous les êtres humains. Et ça libère en même temps. Et je trouve ça très beau. Le savoir, l'ilm, l'aql, la raison, tafakkur, tadabbur, l'ad. Vous savez, l'ad, en Coran, c'est toujours sous l'ordre impératif. C'est jamais une recommandation ou une nasiha. C'est Innallah ya'muru bil'adl. Dieu vous. C'est-à-dire, il prescrit, c'est l'impératif. Alors, pour la liberté de conviction, c'est Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. C'est toutes les valeurs de clémence, de rahma, de l'irtidat, de respect de la diversité, etc., de l'excellence. Mais tout ça, vous ne le voyez pas. Il y a eu une dichotomie entre l'akhlaq, justement, l'éthique, et ad-din at-tabayyun, c'est-à-dire la religiosité. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont braqués sur l'orthopraxie, sur la piété gestuelle. Il peut faire ses 5 prières, mais il est complètement corrompu. Et il n'a aucune notion de la justice, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de faire ses 5 prières. Et donc, c'est cette dichotomie qu'on a au niveau de l'éthique par rapport au reste, donc dans le religieux, qui pose problème aujourd'hui. C'est pour ça que dans nos sociétés, il y a cette schizophrénie, justement. La dimension conceptuelle et normative, je passerai très rapidement parce que Dr Ajani, hier, il a parlé donc de ces concepts clés, je parlerai entre guillemets égalitaire, la création donc d'une nefs wahida, c'est-à-dire de la création égalitaire entre l'homme et la femme. Et c'est pas franchement, il y a beaucoup de gens qui disent oui, on a dépassé tout ça, mais c'est pas vrai parce que aujourd'hui, quand vous avez dans la plupart des institutions religieuses, la plupart des académies, des universités, des écoles, où encore on vous dit la femme c'est une création subalterne et elle est créée à partir de la côte d'Adam, moi j'ai vu des étudiants de médecine qui me disaient je suis médecin. Donc c'est quelque chose qui marque, et parce qu'elle est encore transmise aujourd'hui. Il y a des concepts clés comme la responsabilité de l'édification de la civilisation humaine, stirlef, qui est demandé aux hommes et aux femmes, l'intégrité morale, le taqwa, comme atraqum, c'est pas une question de genre, l'amal salih, le bel agir, l'ensemble de ces concepts qu'on peut retrouver au niveau du mariage, qui est un contrat lourd de sens, le metaqal ravid, de concertation, d'entente mutuelle, tachawur, taradi, de générosité, d'amour, de mawadda. Je ne suis pas dans l'angélisme, ce sont des concepts qui existent dans le Coran, mais qu'on ne va pas retrouver dans le fiqh. Vous ouvrez n'importe quel manuel de fiqh, vous ne retrouverez pas tout ça. Et qu'est-ce que vous allez retrouver? Je cite entre autres Abu Hamid al-Ghazali, malheureusement, qui est un grand mystique, et qui vous dit « la femme c'est une esclave, qui doit obéissance au mari, et son statut juridique c'est celui de l'infériorité absolue devant le statut de l'homme détenteur de tout le pouvoir ». Alors, il n'y a ni amour, ni métaqralid, ni tachawur, ni taradi, il n'y a rien de tout ça. Et en gros, le fiqh a réduit le mariage à une transaction financière. C'est-à-dire, l'époux, la maintenance, la maintenance, la prise en charge matérielle, en contrepartie de l'obéissance, obéissance sexuelle, obéissance, etc. Et vous n'avez pas un seul verset, un mot dans le Coran qui parle de l'obéissance ou de cette tara absolue dont on nous dit que c'est la seule porte du paradis pour les femmes. C'est important pour les gens qui sont dans cette quête spirituelle, parce que elles sont dans une vulnérabilité qui fait que quand on leur dit ce genre de choses, eh ben elles l'acceptent, parce que c'est au nom du sacré. La dernière dimension, eh ben c'est là où se niche l'inégalité. On ne peut pas dire qu'il y a égalité dans une dimension sociale où l'inégalité est claire. Hein? Et c'est là où l'historicité est importante. Pourquoi? Parce que la révélation va essayer de gérer des pratiques sociales de l'époque. Tout le reste, l'éthique, etc., c'est ça l'immuable. Et le reste, le côté social, donc c'est ça, c'est le mariage, c'est l'héritage, c'est un petit peu le divorce, même s'il est égalitaire, c'est le témoignage, etc. C'est le texte qui va tenter de répondre donc aux impératifs socioculturels de l'époque, tout en essayant d'accompagner, de faire des améliorations, etc. Et donc c'est tous les versets qu'on connaît, polygamie, voile, témoignage, héritage, priwama, daraja, daraba, tout ça. C'est très détaillé dans mes livres ou dans mes articles, si quelqu'un est intéressé par ça, où je déconstruis aussi tout ça. Donc, ce sont des versets qui sont liés à une conjoncture particulière de l'époque, mais qui restent importants dans leur finalité. Et surtout si on s'applique à retenir l'esprit de justice qui les sous-tend et à en faire une lecture contextualisée, historicisée, et non pas une lecture littéraliste, fragmentée et légaliste, extraite de l'éthique globale, l'éthique globale de nom du texte. Les juristes exégètes musulmans, est-ce que c'est un peu leur faute? Moi, je trouve qu'ils ont interprété ces quelques versets à l'aune de leur propre environnement culturel. Et malgré la diversité des écoles juridiques, eh ben, il y a eu toujours une matrice juridique misogyne commune qui, avec le temps et la décadence de la civilisation musulmane, est devenue de l'ordre du sacré. Tiens, Wabitz. Donc, le problème, c'est que ces interprétations lui-même, même ces ulémas n'ont jamais dit qu'elles étaient sacrées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on les a sacralisées, c'est qu'aujourd'hui, on refuse de les toucher. Alors qu'on a le droit de les critiquer, de les déconstruire, voire de dénoncer tout ça. Et donc, on voit que la vision traditionnaliste a finalement basé toute son exégèse sur cette dimension sociale. Pour elle, c'est ça le statut juridique des femmes. Et donc, il n'y a pas d'égalité. Donc, on oublie tout le reste. Et c'est cette dimension-là qui est cette étoile rangée, comme on dit, le cadre référentiel donc, de cette lecture-là. Alors, donc, grâce à cette nouvelle approche, quand on ramène cette dimension éthique de l'insane et de cette... et des concepts clés égalitaires, entre guillemets, eh ben, on peut opérer une inversion du cadre normatif traditionnaliste, hein, qui a réduit donc cette question à 4, voire à 5 versets. Et cette nouvelle approche proposerait de lire donc cette dimension sociale, donc inégalitaire, à l'aune de la dimension éthique universelle majoritaire, autrement dit à travers des valeurs socles qu'on a vues, les trois premières dimensions, humaniste, éthique, celle des concepts égalitaires, et où les valeurs comme la justice, la raison, la liberté de conviction, eh ben, c'est elle qu'il faut mettre en exergue. Et c'est à partir de cette dimension éthique globale qu'il faudrait revenir aujourd'hui et revoir cette thématique et la replacer au cœur de l'exigence de la libération des êtres humains. Ce sont ces valeurs-là, de la justice, de la raison, de la liberté de conviction, qui sont pour moi de l'ordre de l'Eidenes, du sacré, de l'immuable, et pas le reste. Malheureusement, des siècles d'instrumentalisation politique du religieux ont marginalisé ces concepts clés au détriment des concepts politisés, dont notamment celle de la soumission aveugle au gouvernant, ta'at al-hakim. Et par la même logique politique patriarcale, on a eu ce glissement religieux à l'obéissance ta'at de l'épouse au mari, et puis de toutes les femmes à tous les hommes, comme pilier majeur en islam. Et là, pour les arabophones, mais je pense qu'il a, je sais pas s'il a été traduit, Abd el-Jadli, un livre extraordinaire justement, où il parle dans la raison critique, donc critique de la raison arabe, de ce concept de la Tara, de Hakimiya, et de la Tara, comment elle a été produite donc par la lecture politisée. Alors, je termine très rapidement pour montrer donc rapidement les problématiques exégétiques ou les impasses qu'on a aujourd'hui et qui ont été quand même qu'on a pu dépasser grâce à cette à toutes ces différentes lectures donc réformistes. Donc, je ne reviens pas sur la création égalitaire, sur El Qiwama qui est une toujours comprise jusqu'à aujourd'hui. Moi, dans l'institution religieuse où j'étais, chaque fois que je parlais d'égalité, on me disait mais allez relire El Qiwama et le verset sur El Qiwama, vous allez voir, vous n'avez rien compris à l'islam. Il n'y a pas d'égalité. C'est l'ADN, ce concept-là, je pense qu'il est l'ADN de la misogynie au niveau de l'islam. Or, au Maroc, grâce à une lecture un petit peu plus rédisciplinaire, la commission qui a été créée justement pour la réforme du code de 2004, et bien on est revenu dessus, et on a déconstruit la Qiwama en sortant un autre verset, le 14 siècle qui était là-bas, c'est celui de l'Ijel, et qui est donc celui d'une certaine égalité socio-politique. Donc le divorce, on a permis aussi de relativiser tout le divorce et de montrer qu'on peut avoir un divorce égalitaire. Je ne reviens pas sur la polygamie, où la monogamie est la norme et on a une multitude d'interprétations. Je dirais qu'aujourd'hui, moi, je ne rentrerai même pas dans ces interprétations et je dirais qu'aujourd'hui, le contexte nous dit non à la polygamie. Et vous savez, il y a 2 semaines, Al-Azhar, reconnaît, mais de façon très officielle, que, et ça c'est le mufti de Akbar de Azhar qui le dit, que la polygamie est une véritable discrimination envers les femmes, alors que durant des siècles, nos théologiens, et jusqu'à aujourd'hui, n'ont eu de cesse de défendre l'indéfendable. La tutelle juridique, donc j'en ai parlé, l'interdiction du mariage des musulmanes avec les non-musulmans, qui est contraire à un verset complètement égalitaire, je termine, et l'héritage, bien sûr, l'héritage, où toute la finalité de toute la philosophie donc, de l'héritage, c'est la justice et l'équité. La demi-part des sœurs n'est que le reflet d'un verset qui est inégalitaire et qui est juste dans ses finalités pour l'époque, pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il devient inégalitaire et injuste, si on continue à l'appliquer comme ça. Donc, il faudrait tenir compte de notre réalité sociale. Où les femmes participent activement. En Europe, il y a 20% de familles qui sont portées juste par des femmes, prises en charge matériellement par les femmes. Donc, prendre en compte justement notre réalité où ces femmes participent activement à la prise en charge matérielle familiale et donner une part égale aujourd'hui, c'est rester dans les finalités de justice du message. Et le Maroc est en train, malgré tout ce qui se passe, de le faire de façon... C'est-à-dire que la réalité est tellement là, c'est elle qui va justement... s'imposer. Il y a eu récemment quelque chose qui était inimaginable il y a encore 10 ans. Les femmes ont le droit à l'accès à l'héritage, des droits à l'égalité dans la gestion des terres communales, ce qu'on appelle les soulèvements. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que cette lecture-là, qu'on le veuille ou pas, est en train de créer des brèches. Alors, en conclusion, pour dépasser cette dualité incompatibilité entre loi et religion sur cette question d'égalité, il faut réformer l'approche du religieux. Le fond, on n'a pas d'autre choix encore. Ce qui permettra d'inculquer à travers l'éducation aux générations à venir une notion fondamentale. À savoir que justement, leur référentiel religieux, culturel, ce qu'on veut l'appeler, formule des latitudes qui sont capables donc d'être, qui ne sont pas en contradiction avec ce qu'on appelle les valeurs universelles, donc d'égalité, etc. L'impératif de la réforme du religieux implique bien évidemment qu'il y ait un espace politique démocratique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas, l'islam a besoin d'espace démocratique, on ne peut pas parler de réforme si on n'a pas d'espace démocratique. Et je terminerai en disant que même cette nouvelle interprétation, elle reste construite, elle est humainement construite, elle est située, et elle est comme toutes les autres, pas parfaite. Il ne faut pas croire que nous sommes en train de dire que c'est l'année sur qu'il faut, ou c'est juste une tentative. Donc, dépasser aussi les cadres de la fracture idéologique, séculière, religieuse, par le dialogue et le débat. Je pense, vous savez, j'ai rencontré dernièrement à Bruxelles, avec Bouchra Belhaj, c'est la présidente de l'Ajah, on était toutes les deux lors d'un débat sur justement l'héritage. Et à la fin, il y a des jeunes musulmanes tunisiennes qui se sont approchées de moi pour me dire qu'elles étaient sympathisantes ou adhérentes à l'Ajah, je sais pas, oui, elles le disent, qu'elles étaient d'accord sur l'égalité, mais qu'elles vont dire non parce qu'elles sont contre l'idéologie qui la prône. Donc, il y a un gros problème. Alors, le problème, c'est finalement pas tout l'argumentaire qu'on veut nous sortir. C'est l'argumentaire idéologique. Je dirais non, même si je suis convaincue, parce que ceux qui le prennent sont... c'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec leur idéologie. Donc, une nouvelle vision de l'islam sur la question des femmes et de l'égalité peut être porteuse d'espérance. À travers cette lecture contextualisée, historicisée, et elle serait à même de replacer justement cette égalité, le pluralisme, la liberté individuelle et la justice comme des idéaux spirituels incontournables de la société. En tout cas, je l'espère. J'espère que rien ne nous empêchera d'y croire. Je vous remercie.